Federica Monseni, dernier orateur du meeting, répond à Cohn-Bendit. Je dois dire que la plupart des idées exposées par Cohn-Bendit répondent parfaitement à l'optique anarchiste. Et moi, je pensais comme lui quand j'avais 20, 25, 30 ans. Et j'ai tapé la réalité de la révolution espagnole. Je suis arrivé à la conclusion de que pour donner plus d'efficacité, plus de possibilités de réalisation de nos idées, plus de possibilités de lutter contre les autres forces organisées, et je suis arrivé à la conclusion de qu'il fallait tâcher d'organiser la nation. Mais nous ne comprenons pas la conception que nous avons de l'organisation anarchiste avec la conception qui peut y avoir n'importe quel autre parti politique. L'anarchisme, organisé ou pas organisé, sera toujours un idéal ouvert à toutes les expérimentations dans lesquelles toutes les tendances, tous les plans de vie, toutes les interprétations individuelles ont droit d'exister, ont même le devoir de s'exprimer. Nous n'avons jamais conçu l'anarchisme et l'organisation anarchiste comme quelque chose de fermé et de étroit. Nous cherchons seulement à tâcher de possibilités précisément aux forces révolutionnaires, aux forces révolutrices de la société, une plus grande efficacité des moyens de lutte et d'action. Alors, parce que vous pouvez renoncer, et qu'il faut, après les autres, l'activité et l'établissement.